Bonjour et bienvenue pour ce 7e épisode du podcast Movies Nerd, enregistré le 30 mars 2014. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète cinéma? Vous allez savoir maintenant, c'est parti. Scene 1, Apple, take 1. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 7 du podcast Movies Nerd. Nous sommes à la fin du mois de mars et comme vous savez, à chaque fin de mois, j'enregistre le podcast et je le mets en ligne le premier du mois ou le deuxième si je ne suis pas en retard. Et donc, c'est le podcast Movies Nerd. Je suis votre hôte comme d'habitude, Axel, mais je n'ai pas avec moi Roxane ce mois-ci puisqu'elle est un peu occupée avec elle a beaucoup de choses à faire, devoirs, etc. Enfin, des trucs pour l'école et ben, moi aussi, mais bon, au lieu de réviser pour mon avenir, eh ben, je préfère faire un podcast cinéma et le partager avec vous. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc maintenant, ouais, je suis un peu tout seul devant le micro, il n'y a plus de limites. On va dire ce qu'on pense des films. Enfin, je vais dire ce que je pense des films que j'ai vus ce mois-ci. J'ai vu deux films principaux. Puis après, pour Looking of Movies, c'est pas vraiment des films, j'ai vu plus de documentaires, mais je vous en parlerai quand même, c'est assez intéressant. Et je pense que ça vous intéressera aussi. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast. Je vais essayer de garder l'émission intéressante, même si peut-être il y a ma voix qui est un peu monotone et tout ça. Donc, ça risque. Je suis désolé si ça vous gêne. J'essaierai d'être un peu joyeux comme ça là. Allez, c'est parti, on fait le podcast, on est content. Et donc, ça m'a manqué de faire ce podcast. Je voulais juste avant de commencer le sommaire de l'émission m'excuser pour les quelques problèmes audio qu'il y a eu sur le dernier épisode. Comme vous le savez, si vous avez écouté cet épisode justement. Je partais en Finlande quelques heures après l'enregistrement et le montage de ce podcast. J'ai fini le montage à peu près 5 à 6 heures avant de monter dans l'avion. Donc c'était assez chaud, short, mais j'ai réussi à faire un épisode. J'espère qu'il vous a plu quand même, malgré les petits problèmes sonores. Et je vais vous faire le sommaire de cette émission du mois de mars. Et on va direct commencer. Donc, on aura les news en premier, les news du mois de mars au cinéma. Il y a beaucoup de news ce mois-ci, contrairement au mois dernier où il n'y avait un peu rien à se mettre sous la dent. Là, il y a quand même quelque chose. Donc, je vous en parlerai. J'essaierai de rendre ça assez intéressant parce que je sais que ça peut être un peu peut-être ennuyeux avec ma voix monotone ou des choses comme ça. Donc ensuite, il y aura la critique d'un classique qui sera consacrée à Captain America First Avenger, donc le premier. Ensuite, ce sera Looking of Movies, je vous en ai déjà parlé, c'est les films que j'ai regardé ce mois-ci, donc voilà, je vous parlerai un peu des films que j'ai vus sans trop les critiquer, juste vous donner mon avis sans faire une analyse complète comme dans les critiques. Donc voilà. Ensuite, ce sera le film du mois, qui cette fois est Captain America 2. Donc je me souviens plus du sous-titre justement, c'est marrant ça. Mais bon, je l'ai vu hier et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, la bande-annonce du mois, si je me trompe pas. Normalement, c'est ça. Après, il y aura la minute nerd et ce sera déjà la fin du podcast, donc on est parti pour peut-être à peu près 1h, 1h30 en ma compagnie, et je suis heureux de faire ce podcast, comme vous vous en rendez compte, et maintenant, on va tout de suite passer aux news. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci? L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informé des dernières news et rumeurs dans la rubrique News Cinéma du Mois. Et on est à la rubrique des news et je commence tout de suite avec la première news du mois de mars. You, sir, truly are Mr. Incredible. You know, I was right to idolize you. I, I, I always knew you were tough, but tricking the probe by hiding under the bones of another super? Oh, man! I'm still geeking out about it! Une news qui concerne Pixar, les fans le voulaient, ils l'auront. La mise en chantier des Indestructibles 2 a été officialisée par le président de Disney, Bob Iger. Sorti en 2004, le premier opus s'était vite classé très haut parmi les plus grandes réussites de Pixar. Et le studio travaille actuellement sur une conversion 3D pour fêter ses 10 ans. Si Brad Bird, réalisateur de l'original, s'est toujours avoué partant pour une suite en cas de scénario satisfaisant, il n'a toujours pas été dit s'il rempilerait vraiment à la mise en scène. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le film sera supervisé au sein de Pixar qui prépare également un Cars 3. Bien que tièdement reçu, la précédente aventure de Flash McQueen avait cependant mieux marché en salle que le premier volet. 560 millions de dollars de recettes dans le monde contre 462. Et c'est sans doute ce qui a convaincu John Lasseter et son équipe de passer la troisième. Absent des écrans en 2014, Pixar fera son grand retour l'an prochain avec Inside Out, puis The Good Dinosaur, mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour Les Indestructibles 2 et Cars 3, pas plus que le nom de leur metteur en scène respectif. Si vous voulez mon avis, Indestructibles 2, bonne idée, Cars 3, mauvaise idée, Cars 2 était vraiment pas terrible, j'aime pas. Cars, c'est la seule franchise de Pixar que je n'aime pas parce que je la trouve trop commerciale, bien que les autres sont aussi commerciales avec les jouets et tout ça. Cars, je la trouve très commerciale et je la trouve pas super intéressante. Déjà, je suis pas super intéressé par les voitures de base, mais là, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Et puis bon, après les Indestructibles 2, je dis ok, mais ce qui est bien avec Pixar. Bien que j'ai adoré Monstre Academy, hein, si vous vous rappelez mon top de l'année 2013, il était très haut placé par rapport aux autres. Bon, pour moi, Pixar, c'est des gens qui savent faire des histoires originales. Et si ils se cantonnent à continuer à faire ces suites, ils sont voués à leur échec. Inside Out et The Good Dinosaur, j'ai entendu un peu parler de quoi ça pourrait parler. Ça a l'air intéressant, c'est original, mais Les Indestructibles 2 et Cars 3, faut vraiment qu'ils fassent quelque chose de complètement différent des autres pour que ça puisse m'intéresser. Voilà, donc à voir, mais je reste sceptique concernant ce genre de suite à des films Pixar. Bien que Toy Story 2 et 3 déchirent. Conan, what is best in life? To crush your enemies? See them driven before you, and hear the lamentation of their women. Ensuite, deuxième news, qui concerne Conan. Arnold Schwarzenegger et le producteur Frédéric Malberg ont fait quelques confidences sur le projet La Légende de Conan. Malgré son âge, Schwarzenegger explique qu'il continuera à avoir des scènes d'action dans cette suite. Conan est toujours vivant. L'âge importe peu pour moi, parce que je m'entraîne tous les jours, je m'y mets deux fois par jour, en général le soir, je travaille avec des poids et dans la matinée je fais un entraînement cardiovasculaire. Donc pour moi, me rendre sur les plateaux et balancer l'épée une fois de plus et monter sur des chevaux, toutes ces choses ne me font pas peur parce que je me sens comme si j'avais 30 ans. Aussi, du moment que je reste en forme, c'est ce qui est primordial. Le producteur Frédéric Malberg a réitéré une déclaration qu'il a faite en juillet concernant la chronologie du film. L'idée est que cela se passe après que Conan soit devenu roi. Toute l'idée qui rend Arnold si enthousiaste à propos de la nouvelle direction artistique du film est-elle à la hauteur de la légende? Conan, un sexagénaire, va se battre avec son corps de guerrier qui a vieilli, avec les os qui craquent, des douleurs et le devoir de retourner à la bataille. Ça a l'air super intéressant, je suis un gros fan de Conan et de Schwarzenegger. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne, surtout, enfin, si vous avez vu le premier film, vous savez, à la fin, cette image de lui vieillissant sur le trône, et ben ça, c'est vraiment un Conan que j'aimerais retrouver dans ce nouveau film. Et j'espère que ce sera aussi bien que le premier, et pas comme le deuxième, et pas comme le remake. Yeah. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Donc ensuite, on passe à la troisième news. Une news qui concerne Marvel. Kevin Feige, le président du studio Marvel, a récemment révélé dans une interview que le rythme de leurs films des sorties de leurs films pourrait accélérer pour atteindre 4 films par an. Il déclare « Je pense que la télévision complète à présent en termes de nouveaux produits. C'était l'idée avec les séries Netflix. Ce qui est probable, c'est que si le produit si les prochains groupes de films marchent bien et que les gens veulent en voir plus, nous aurons trop de franchises et on ne peut pas faire un film de chaque franchise tous les 2 ou 3 ans. Nous devons passer à 3 films par an, mais ça doit se faire de manière naturelle. Si ça se fait, il faudra que nous ayons un script, un réalisateur et un personnage que le public veut voir pour un 3e film ou un 4e. Mais c'est déjà assez difficile comme ça de sortir 2 films de qualité chaque année. Les prochains films Marvel sont donc Captain America, le soldat de l'hiver, dont celui je vais vous parler juste après, qui est sorti le 26 mars, Les Gardiens de la Galaxie le 13 août, Avengers 2 Age of Ultron en mai 2015, Ant-Man en juillet 2015, Captain America 3 en mai 2016 et sûrement Doctor Strange en juillet 2016. Si vous voulez mon avis, Marvel, il ferait mieux de rester sur leur politique de 2 films par an, c'est déjà beaucoup, je trouve, parce que ça risque de saouler vite le public. Alors si ils passent à 4 films par an, ça, c'est la fin annoncée à mon avis pour ce genre de film, et ils courent vraiment vers leur perte s'ils prennent ce genre de décision. C'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour les films et c'est mauvais pour l'industrie en général, donc ce serait pas une très bonne idée de le faire, et je pense pas qu'ils soient assez bêtes pour le faire. Mais comme Kevin Feige, donc c'est le président du studio Marvel quand même, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui a quand même certaines décisions, bien sûr que Disney ne va pas laisser faire ça sans intervenir, mais j'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire cette erreur, parce que ça pourrait être très mauvais pour les films de super-héros. Voilà. Donc, en parlant de Doctor Strange, lors d'une conférence de presse dédiée à Captain America 2, Kevin Feige, encore lui, a donné un aperçu du style général du film. Doctor Strange, il a aussi expliqué comment le studio compte s'y prendre pour retranscrire la magie qui est très présente dans les BD. Selon le président de Marvel, Doctor Strange sera un mélange spirituel entre les œuvres du dessinateur Steve Ditko, des réalisateurs Stanley Kubrick et Hayao Miyazaki, et le film Matrix. Concernant l'introduction du sorcier suprême et de la magie, un phénomène qui n'est jamais apparu dans l'univers cinématographique de Marvel, Kevin Feige explique. Avez-vous vu l'émission Cosmos? C'est de la magie, c'est incroyable. Si quelqu'un trouvait un moyen d'exploiter ces mystères, quelle serait la différence entre ça et de la magie? On ne trouve pas ça dans Harry Potter, mais si un scientifique était envoyé à Poudlard, il comprendrait en partie les dessous de la magie, et c'est le cas d'un personnage comme Strange, qui est un homme de science mais aussi un homme de foi, et qui jongle sans cesse entre ces deux mondes. Il ajoute, Marvel a déjà évité de faire référence à la magie dans leur film précédent, mais c'est sur le point de changer avec Avengers 2 qui introduit la magique sorcière rouge et Doctor Strange. C'était une partie importante des BD et le sera aussi dans les histoires que Marvel va faire évoluer au fil du temps. Les Avengers auront besoin de bien plus qu'un coup de Hulk ou des flèches d'œil de faucon pour combattre Thanos. Ils auront besoin de la bonne vieille sorcellerie. Doctor Strange est en développement et n'a pas encore de réalisateur, casting ou date de sortie. On va voir ce que ça donne, ça peut être intéressant. Entre l'œuvre de Steve Ditko, Stanley Kubrick, Hayao Miyazaki et Matrix, je vois pas trop le rapport entre toutes ces choses, mais je fais confiance à Marvel qui ne prend pas de décision à la légère, et donc je pense que ils sont bien placés pour faire ce qu'ils font. Et on verra bien quand on aura une bande-annonce, un réalisateur. J'aimerais bien voir le réalisateur qui pourrait prendre ce genre de pari artistique. Ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien voir un Terry Gilliam faire ce genre de choses. Si les connaisseurs voient de qui je parle, Terry Gilliam, c'est un ancien des Monty Python qui faisait les animations dans la série télé des Monty Python, et donc qui a fait après Brasil et tout plein d'autres films c'est vraiment un univers spécial et assez intéressant, et franchement j'aimerais bien voir Terry Gilliam faire ce film. Ça pourrait être intéressant, notamment parce que Terry Gilliam voulait déjà s'attaquer à des super-héros sur Watchmen par exemple. Il voulait faire le film, mais c'est Zack Snyder qui a pris les rênes, et donc il n'a pas eu l'occasion de le faire, mais ce serait vraiment marrant. Mais je pense pas, c'est trop, ça paraît assez improbable qu'un studio comme Marvel engage un réalisateur comme Terry Gilliam pour faire un film. Mais franchement, ce serait un de mes trucs rêvés de cinéphile, ce serait de voir ça. Donc voilà, on peut toujours rêver, je pense. As you can see, we've had our eye on you for some time now, Mr. Anderson. Cinquième news qui concerne Matrix. D'après Latino Review, les Wachowski préparent une nouvelle trilogie Matrix pour Warner Bros, qui souhaiterait rivaliser avec les sagas Star Wars et Avatar. On peut lire sur le site, on nous a dit que les Wachowski ont déjà commencé le processus d'écriture en effectuant des traitements préliminaires et l'ébauche est déjà passée au studio. Il n'a pas été indiqué s'ils veulent réaliser, mais je parie qu'il est clair que si. À la fin moqueuse de la saga Matrix, on voit l'architecte barbu qui suggère que Neo n'était pas la première personne, ce qui donne une ouverture sur un monde d'histoire pour préquel. Matrix mettait en vedette Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss et Hugo Weaving, dont je vous parlerai un peu plus tard. Oui, Hugo Weaving, je parle. Une suite à Matrix, si c'est une préquelle, peut-être. Si c'est une suite, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, donc une préquelle, ok, mais j'ai quand même peur, puisque vu que le film, enfin la saga pour moi se résume à: le premier est un chef-d'œuvre, le deuxième est un très bon film, le troisième est un très bon film avec de très mauvaises idées dedans. Voilà, c'est il y a certains passages qui me font dire dans le troisième film c'est le meilleur film que j'ai jamais vu, et il y a certains autres passages qui me donnent envie de gerber et de crier et d'exprimer toute ma rage contre ces scènes. Donc à voir ce que les Wachowski ont prévu. J'espère vraiment qu'ils vont s'ils le font, qu'ils fassent pas de la merde avec, voilà, c'est tout ce que je demande. Ils fassent pas de la merde avec la saga Matrix. Ou alors, si c'est vraiment pas terrible ce qu'ils ont prévu, qu'ils le laissent tomber et qu'ils fassent quelque chose d'original, comme ils ont fait avec Cloud Atlas, Speed Racer, le prochain qui va sortir, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont un prochain film qui va sortir bientôt. Et on vous parlera sûrement de ce film qui a l'air super intéressant, avec Mila Kunis dans le rôle principal. Donc voilà, et on passe tout de suite au Flash News. Flash. Et la première Flash News, c'est The Amazing Spider-Man 3. Sera le dernier épisode de la saga réalisé par Mark Webb, puisque le cinéaste a déclaré qu'il passerait la main sur le film suivant, mais resterait sans doute consultant. Deuxième flash news, la rumeur n'aurait pas fait long feu, le projet mystère de Ridley Scott, annoncé vendredi, sera la suite de Prometheus, et sortira donc en 2016. Le film a également trouvé un nouveau scénariste, Michael Green. Et donc c'est la fin des flash news, il n'y en a pas beaucoup, mais on passe tout de suite au New Star Wars, et plus précisément à la New Star Wars, puisqu'il y a vraiment beaucoup de news, mais c'est souvent encore des acteurs qui sont castés pour le Star Wars, etc. Donc là, il y en a plus qu'une, mais je vais la faire quand même. C'est parti. Et donc, cette New Star Wars... When 900 years old, you reach, look as good, you or not. Au final, peu de détails sont connus sur Star Wars 7, bien que le film fasse partie des projets les plus attendus. Beaucoup de rumeurs courent, mais pas grand chose d'officiel n'a filtré, du moins jusqu'à présent. Après une réunion de direction chez Disney, quelques informations ont fusé, notamment de la part du président du studio Bob Iger. Il annonce ainsi que l'épisode 7 se déroulera 30 ans après les événements de l'épisode 6, Le Retour du Jedi, et suivra l'histoire de trois nouveaux jeunes personnages qui seront aux côtés de visages très familiers. Ce n'est pas grand chose certes, mais ça a au moins l'avantage d'être officiel. Pour ce qui est des nouveaux personnages, on ne sait pas encore qui les incarneront, puisque le tout Hollywood a déjà auditionné, mais on peut facilement en déduire que les trois rôles seront ceux des enfants de Luke, Leia et Han Solo. Quant aux visages familiers, on peut s'attendre à Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher, ainsi que R2-D2 et peut-être Chewbacca. Le tournage de Star Wars 7 démarrera en mai prochain, donc des annonces plus formelles sont attendues dans les prochaines semaines. Le film de J.J. Abrams sera en salle le 18 décembre 2015. C'est tout pour les news du mois de mars. Maintenant, on va passer tout de suite à la critique d'un classique. C'est parti. Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Ne vous inquiétez pas, l'équipe Movies Nerd a la solution. Car c'est l'heure de la critique d'un classique. Grâce à nous, votre culture cinématographique se verra multipliée par 10. C'est une garantie Movies Nerd. Avec la critique d'un classique. Et donc, on est à la rubrique de la critique d'un classique qui, ce mois-ci, sont consacrés au film Captain America First Avenger, donc le premier Captain America. Je vais rappeler un peu les informations à propos du film et après, je vous donnerai mon avis sur le film. Le réalisateur, c'est Joe Johnston, qui d'abord a commencé en tant que directeur artistique chez ILM pour Star Wars et les deux premiers Indiana Jones, donc c'est un peu, ça pète la classe. C'est franchement pour un premier job, c'est quand même cool. Ensuite, il a commencé la réalisation avec Chérie, j'ai rétréci les gosses, un classique des années 80. Ensuite, il a aussi fait le très grand Les Aventures de Rocketeer, qui était déjà inspiré d'un super-héros. Donc voilà, et aussi Jurassic Park 3, qui est très bon. Voilà. Le scénario, c'est Christopher Marcus et Stephen McFeely qui ont fait les scénarios de Narnia. Voilà. Ce qui allait pas avec Narnia, c'était pas le scénario, ça va. No Pain No Gain, donc le dernier Michael Bay. Bon voilà, il y a pas grand-chose à avoir comme scénario. Et Thor 2, donc dont je vous avais parlé il y a quelques mois, je crois en novembre, ça devait être quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, en plus, Roxane n'était pas là aussi pour cet épisode, donc c'est marrant qu'elle soit pas là pour celui-là et pour celui où je parle de Thor. C'est comme si elle détestait les super-héros, ce qui n'est pas le cas, je crois. Je lui poserai la question. Ensuite, la musique, c'est Alan Silvestri qui a fait entre autres Back to the Future, donc la BO, la bande originale des trois films, et Anna Montana le film aussi. Donc en fait, j'ai pris le meilleur et le moins bon de ce qu'il avait fait entre deux. Il y a plein de grands films et de petits films. Voilà. Donc Anna Montana le film, il a fait la bande originale. Je sais pas ce qu'il a fait dessus et j'ai pas envie de savoir. Voilà. La date de sortie aux États-Unis et au Canada, c'était le 22 juillet 2011, et en France, c'était le 17 août 2011. Le casting, donc nous avons Chris Evans qui joue Steve Rogers alias Captain America, qui avait avant ce rôle avait joué plein de petits rôles, mais entre autres avait joué aussi la Torche Humaine dans Les 4 Fantastiques, dans les deux films 4 Fantastiques qui sont pas terribles. Donc voilà, on a vite oublié ça. Ensuite, il y a Hayley Atwell qui joue Peggy Carter, qui a joué dans The Duchess. Sébastien Stan qui a joué dans la série Gossip Girl, c'est génial. Et Black Swan, donc j'ai pris le meilleur et le moins bon. Vous déciderez quel est le meilleur et le moins bon. D'après mon attendu intonation de voix, Black Swan, Gossip Girl, voilà, qui joue ici Bucky Barnes. Ensuite, Tommy Lee Jones, qui a joué dans Men in Black et JFK, et tant de grands et de mauvais films, qui joue ici le colonel Chester Phillips, et Hugo Weaving, qui a joué dans Matrix, dans Lord of the Rings, et dans V pour Vendetta, boum, voilà, ça c'est de la carrière, et encore il a joué dans plein d'autres trucs. Qui joue ici Johan Schmidt et Crâne Rouge, alias Crâne Rouge. Le synopsis, le film raconte l'histoire de Steve Rogers, un jeune homme fragile de Brooklyn, transformé en un super soldat nommé Captain America. Durant la Seconde Guerre mondiale, il doit arrêter Crâne Rouge, l'officier d'Adolf Hitler, et meneur de mystérieuses armes, possédant le cube cosmique en tant que source d'énergie pour dominer le monde. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un peu du film, de ce que j'en ai pensé. Je commence avec la réalisation, et la réalisation, eh ben, elle pète la classe. C'est Joe Johnston à son meilleur. Quand il fait des grosses références aux serials des années 40, donc c'est un peu les séries télé où on montrait... si vous voulez un exemple de d'hommage aux serials super connu, ben c'est Indiana Jones. C'est les nazis qui... On les monte pas... en tant que comme s'ils étaient des vrais nazis, ceux qui faisaient aller dans les chambres à gaz, etc., ceux qui tuaient plein de gens, mais on les montrait en tant que méchants qui voulaient obtenir certains artefacts, genre l'arche perdue dans Indiana Jones, c'est qu'un exemple, mais plein d'autres choses. Et donc c'est ce genre de nazis auquel on a affaire dans Captain America. C'est pas des nazis sérieux, c'est des nazis un peu plus, on va pas appeler ça rigolo, mais plus fun, on va dire. C'est pas tellement le mot que j'aimerais employer, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment un gros hommage aux serials, ce film. On voit qu'il adore ça, et que sa réalisation, elle pète la classe, hein. Y a pas grand chose à dire. C'est il fait des plans iconiques super intéressants sur Captain America, quand il est sur sa moto et tout, enfin voilà, c'est exceptionnel. La réalisation, il y a pas à dire, et pour moi c'est le meilleur. Enfin, il est sorti avant Avengers, et c'était mon film de Marvel Studio préféré, qui avait la meilleure réalisation, et donc voilà. Après, bon, il y a eu Avengers, qui pour moi n'était pas aussi bien réalisé que Captain America. Je trouve qu'il y a toujours... Ouais, Captain America reste un de mes films préférés de Marvel Studios. Le meilleur réalisé, celui qui a la réalisation la plus belle, parce qu'il fait, Joe Johnston fait un super travail au niveau de la lumière, au niveau des effets spéciaux qui sont super beaux. Que ce soit du numérique ou le numérique, des fois ça, on voit que c'est un peu fake, mais ça passe parce que on se dit que c'est un hommage au serial, que c'est un peu ça fait un peu fake, c'est normal, faux, ça paraît normal, donc on lui pardonne ça. Mais les effets spéciaux, genre maquillage, surtout Crâne Rouge qui est habilement caché durant la moitié du film, les maquillages sont vraiment exceptionnels. Enfin, ce maquillage-là, et puis les effets spéciaux en général sont vraiment super beaux, super agréables à regarder, et il n'y a aucun problème avec. Le montage est bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est du classique, c'est... Il n'y a pas d'effet de style. Bon, c'est sûr qu'ils vont pas prendre beaucoup de risques, artistiques, j'aimerais dire, parce que comme c'est une production Marvel, il faut qu'ils touchent le plus de monde possible, et ils vont pas faire des trucs vraiment très très poussés artistiquement. Mais là, le montage est correct, il y a pas grand chose à dire. Voilà. Donc ensuite, le jeu des acteurs, il est bon. Il y a du moins bon, il y a du bon. Il y a des gens qui surjouent, et on sent que c'est fait exprès pour faire un hommage aux serials. C'est surtout les nazis qui surjouent. Hugo Weaving pète la classe en tant que méchant. C'est vraiment un méchant que j'aurais voulu voir plus dans cet univers, qu'on le voit plus dans le second épisode. Mais... il est vraiment super intriguant. Il a un super jeu d'acteur, et j'adore cet acteur en général. Donc voilà. Ensuite, Chris Evans, Captain America. Donc lui, il est bien. Il a pas de problème avec lui. Il a un bon jeu d'acteur. D'ailleurs, j'ai oublié, en parlant des effets spéciaux, que comme il est au début maigre et tout petit, C'est un effet spécial. L'effet spécial est bien fait puisqu'ils ont collé la tête de Chris Evans, donc qui est une montagne de muscles, sur un corps de petit maigre gringalet. Les effets passent bien. Il y a peut-être quelques petits bémols à certains points, mais rien de très grave, rien qui gâche le film vraiment. On sent que ça a été bien travaillé et que il n'y a pas de problème avec ça. Chris Evans se joue bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'y crois en Captain America, j'aime bien le voir, il est cool, il n'y a pas de problème, il défend la liberté et les droits et America fuck yeah, et puis voilà. Quand on voit ce film, on a juste envie d'écouter une musique de, enfin, quand il y a des moments d'action, juste envie d'écouter une musique de hard rock, America. Enfin voilà, un truc bien patriotique, mais ça donne du peps après quand on sort de la séance après avoir vu le film, on sent qu'on a du peps. Donc voilà, ça c'est cool. Chris Evans, ouais, il joue un super bon Captain America et j'aime bien le personnage qui campe, donc ça va. Après les autres sont plus ou moins bons. Tommy Lee Jones c'est cool. Il fait un bon colonel militaire, un vieux rabougri, comment je dirais ça, mais Tommy Lee Jones, il joue un super bon colonel, bien dur avec les nouveaux arrivants au camp militaire, etc. Et c'est assez marrant de le voir dans ce genre de rôle, mais il joue bien, franchement il joue super bien. Il n'a jamais, enfin, de tous les films que j'ai vus, il a jamais vraiment mal joué, quoi. C'est peut-être après Man in Black 3 que j'ai pas vu, que je préfère pas voir, en fait. Après la bande-annonce que j'ai vue qui me paraissait absolument horrible. Donc voilà. Ensuite, je passe à l'histoire. L'histoire, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est super intéressant de prendre ce point de vue. C'est normal puisque comme le début de Captain America, ça a été, du comics Captain America, ça a été pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça paraissait logique qu'ils prennent cette époque pour commencer le premier film. Et c'est super intéressant. Ça change vraiment des autres films Marvel et c'est peut-être pour ça que j'adore ce film parce que ça change. C'est pas comme Iron Man, Hulk et tout ça. Ça se passe tous dans le même univers, dans un New York moderne, etc. C'est cool, mais changer un peu des fois, c'est encore mieux. Et ce film, il donne bien une bonne ambiance des années 45, pas 45, des années 40 plutôt, pendant la guerre. Voilà, les costumes sont bien. L'histoire en général est cool. Après, j'ai pas grand chose à dire vraiment, puisque c'est pas super original, quoi. C'est du Marvel, faut pas demander un scénario à la Memento ou des choses comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Je trouve que ça a été assez couillu de la part de Marvel de proposer ce genre de choses. Voilà, je les applaudis pour ça, ils sont bien démerdés pour ce film. L'histoire est cool. Pour finir, la musique est bien, elle est héroïque, c'est tout ce qu'on demande. Quand il y a des trucs héroïques, ils mettent de la musique héroïque. Quand il y a des trucs si tristes, ils mettent une chanson triste. Et puis voilà, elle est assez inexistante, à vrai dire. On s'en souvient pas, hein, c'est toujours le problème. Et il n'y a pas vraiment de thème qui ressorte. Vraiment du film, mais encore la musique passe assez bien dans celui-là. Donc voilà. C'est fini pour cette critique de classique. Je donne mon avis final sur le film. J'adore ce film. La première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment quand je suis sorti de la salle, je suis allé voir au cinéma. Heureusement que je suis allé voir au cinéma. J'avais le choix entre Green Lantern et ce film, et j'ai bien fait de choisir Captain America. Parce que après quand j'ai vu Green Lantern, je me suis dit oh putain, heureusement que je suis pas allé le voir au cinéma celui-là. Parce que c'était de la même merde, mais on n'est pas là pour parler de la merde, on est là pour parler des trucs bien. Et les trucs bien, c'est Captain America. Captain America c'est génial. Allez le voir, louez, achetez-le, achetez le DVD, regardez-le, trouvez un moyen de le regarder avant d'aller voir le premier, le second qui est en salle en ce moment. Voilà, donc super bon film, un de mes préférés de Marvel. Et on passe tout de suite à la rubrique Looking of Movies. Qu'est-ce que l'équipe Movies Nerd a regardé ce mois-ci ? Vous êtes sur le point de découvrir avec la rubrique Looking of Movies. Et on est donc à la rubrique Looking of Movies qui vous parle des films que j'ai vus ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai vu 4 films, donc des documentaires, que des documentaires, j'ai pas pu voir de films. Comme vous le savez, j'étais en Finlande pendant 2 semaines durant ce mois-ci, donc j'ai pas trop eu le temps de voir de films, vraiment. Mais j'ai pu voir quelques documentaires parce que j'avais envie de voir quelques documentaires, donc voilà. Je vais vous en parler. Donc le premier que j'ai vu, c'est The Last White Knight. Donc c'est l'histoire du dernier membre, enfin le titre implique que ce soit le dernier membre du Ku Klux Klan, pardon. Donc c'est un documentaire sur pas vraiment la création du Ku Klux Klan, mais son développement plutôt dans les années 50-60 lors du mouvement pour que les Noirs puissent aller voter ou plus avoir de restrictions par rapport au bus ou des choses comme ça. Et donc ça parle d'un journaliste dont j'ai oublié le nom qui s'est battu pour les droits des Noirs dans les années 60 au Mississippi. Donc c'est vraiment un état où le Ku Klux Klan était vraiment très répandu à cette période de l'histoire. Et il s'est battu pour les droits et il rencontre un de ses agresseurs qui l'avait agressé pendant qu'il militait, voilà, c'est ce que je cherchais, un de ses agresseurs, donc qui faisait partie du Ku Klux Klan, et que 40 ans ou 50 ans plus tard, ils se rencontrent de nouveau et ils parlent tous les deux ensemble de ce qui s'est passé à cette époque, et voilà. Donc c'est un documentaire assez intéressant. C'est sûr que c'est pas joyeux, c'est moins qu'on puisse dire, mais c'est passionnant de voir ces deux personnes qui se battaient complètement pour autre chose, parler ensemble sans vraiment s'énerver ou se haïr forcément. Bon, ils détestent les idées ils détestent les idées de l'autre, mais entre eux, ils se respectent. Et donc, c'est assez intéressant de voir ce parallèle. Pendant le documentaire, on a le droit à quelques scènes retranscrites. Mais comme bien sûr, il n'y avait pas de caméra à l'époque, et à mon avis, valait mieux. On a le droit à des super séquences de dessins animés, enfin de dessins bien faits, réalistes, hein. c'est pas du cartoon ou quelque chose comme ça, c'est vraiment dessins réalistes en noir et blanc, et ça retranscrit souvent les scènes d'assassinat ou des choses comme ça. C'est sûr que c'est pas joyeux à voir, mais c'est toujours intéressant pour savoir ce qui s'est passé à cette époque-là, connaître un peu les événements, parce que je ne connaissais pas tout, et ça, c'est toujours intéressant, bien que ce soit bien sûr horrible, ce qui s'est passé à cette époque-là, et d'ailleurs ce qui se passe encore, en moindre mesure, bien sûr. Je vous recommande ce documentaire si vous êtes intéressé à l'histoire des États-Unis, parce que c'est une partie de l'histoire des États-Unis qu'on ne fait pas souvent et qui est bien sûr pas joyeuse à voir, mais qui a existé. Il faut savoir que ça a existé. Voilà, donc documentaire bien réalisé et assez intéressant. Voilà. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu plus joyeux. Nightmare in Red, White and Blue. Donc, cauchemar en rouge, blanc et bleu. Voilà, si je me trompe pas. C'est un documentaire qui retrace l'histoire du cinéma d'horreur américain à travers des âges. C'est un documentaire super intéressant avec des intervenants réalisateurs. Qui ont marqué le cinéma, mais pas que. Il y a aussi des gens du milieu, pas que des réalisateurs. Et donc, ils parlent des films qui les ont marqués et qui les ont influencés pour faire leurs films maintenant ou à leur époque, si les réalisateurs sont encore là. Donc, ça part du début des années 20. Années 10, 20, enfin, on n'est pas sûr, c'est ce qu'ils disent dans le documentaire, on n'est pas sûr du début réel du cinéma d'horreur, donc on peut le situer à peu près en 1920, comme ça, avec Nosferatu, etc. C'est un documentaire super intéressant avec plein d'extraits, donc c'est super agréable à voir. Si vous êtes fan de films d'horreur, je vous le conseille énormément parce que ça peut vous aider à trouver, à vous donner envie de voir des films que vous n'avez peut-être pas vus, ou de revoir des films que vous avez déjà vus, des classiques. Bien sûr, les intervenants font des petites analyses des films sans trop les pousser vraiment dans le détail. Et le petit reproche que j'aurais à faire, c'est qu'on passe vraiment très vite sur beaucoup de films. Je sais que c'est normal puisque le film il fuse et on voit plein de films, ça c'est sûr, mais on n'a pas trop le temps de s'attarder sur les films, sur leur importance et tout ça. Donc mais sinon, à part ce petit détail, c'est super intéressant à voir et je vous le conseille vraiment si vous êtes fan de cinéma d'horreur et que vous voulez en savoir plus sur le cinéma américain. Bien sûr, il y a sûrement d'autres documentaires qui s'intéressent au cinéma d'horreur mondialement, mais celui-là est super intéressant si vous aimez le cinéma d'horreur américain. Assez intéressant. Ensuite, j'ai vu Nightmare Factory. Donc ça, c'est à peu près le même type de documentaire, sauf que c'est concentré sur des gars des effets spéciaux. Donc Nightmare Factory, c'est l'entreprise, c'est vite traduit, mais l'entreprise des cauchemars, puisque c'est concentré sur une boîte, une entreprise d'effets spéciaux, sur les gars qui sont passionnés par des effets spéciaux et qui font ça depuis les années 80. C'est vraiment assez intéressant, surtout si vous vous intéressez vraiment au cinéma, à ce qui se passe derrière la caméra. Donc c'est-à-dire tout ce qui est production, tout ça. C'est super intéressant et puis on apprend plein de petits trucs sur l'histoire des effets spéciaux. C'est dommage que ce soit concentré que sur une entreprise, je sais plus le nom de l'entreprise, mais c'est une des dernières encore assez prolifiques à Hollywood en ce moment, qui ont fait d'ailleurs les effets spéciaux dernièrement de The Walking Dead ou des choses comme ça, mais ils font que des effets spéciaux mécaniques ou physiques. Donc ça, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit pas vous montrer des mecs derrière leurs ordinateurs à créer des effets spéciaux numériques, c'est des mecs qui font, qui passent des mois à construire des modèles, des statues, à faire des maquillages et tout ça pour le cinéma d'horreur les séries et tout ça. Et donc c'est super intéressant. Je vous le conseille, bien que il soit, enfin, si vous vous intéressez au cinéma et surtout à comment on fait du cinéma d'horreur, c'est super intéressant. Si vous voulez juste voir qu'est-ce qu'il faut absolument voir, si vous êtes fan de films d'horreur sans trop vous intéresser à comment on les fait, je vous conseille plutôt le dernier Nightmare in Red, White and Blue plutôt que celui-là, puisque celui-là montre pas vraiment beaucoup d'images de films. On se concentre plutôt sur les gars des effets spéciaux. Et c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça, mais pour ceux qui n'en ont rien à foutre, c'est pas vraiment intéressant, voilà. Et le dernier documentaire que j'ai vu, c'est Lost in La Mancha. Donc, c'est un documentaire qui a été tourné durant la production, la pré-production et la production de Don Quichotte par Terry Gilliam, dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans le podcast. C'est un film. Terry Gilliam est connu comme étant le réalisateur le plus malchanceux de tous les réalisateurs, parce que à chaque fois qu'il entreprend de faire quelque chose, souvent ça merde, souvent il y a des problèmes et souvent ça donne pas, enfin si ça, des fois ça donne de bons résultats, des fois ça donne de très bons documentaires comme Lost in La Mancha, puisque ce film Don Quichotte, je sais plus le vrai nom exact, mais il n'est pas sorti. C'est un des projets qui a été abandonné par Terry Gilliam, et toutes les explications sont dans le documentaire pourquoi ce film a été abandonné. C'est vraiment super passionnant de voir à quel point quelqu'un qui est passionné par son film puisse en être dégoûté par tout ce qui se passe pendant le processus de production. Et c'est vraiment super intéressant. Je voudrais pas trop vous en parler parce que ça risquerait de vous spoiler le film, mais je vous le conseille vraiment. Ça vous montre que des fois on peut se planter au cinéma, et des fois il n'y a pas tout qui sort. Tous les films dont je vous parle, des fois il y a des problèmes ou il y a des choses comme ça, et ça gâche beaucoup d'argent, ça gâche beaucoup de talent, ça enfin voilà. Et ce film est vraiment parfait pour montrer ça, et je vous conseille vraiment d'y aller. C'est le meilleur documentaire que j'ai vu ce mois-ci. Et s'il y a qu'un documentaire que vous deviez voir ce mois-ci, dans les quatre que j'ai cités, c'est celui-là, parce qu'il est exceptionnel. Voilà, donc c'est fini pour la rubrique de Looking of Movies. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, on va passer tout de suite à la rubrique du film du mois. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter ? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Et on est à la rubrique du film du mois, donc cette fois-ci c'est consacré à Captain America 2, le soldat de l'hiver. Cette fois je me souviens du sous-titre, donc c'est bon. Je vais d'abord rappeler quelques petits points, quelques informations à propos du film, et après je vous donne mon avis comme d'habitude. Donc la réalisation, cette fois c'est plus Joe Johnston, c'est Anthony et Joe Russo qui sont frères, qui ont réalisé avant ça des épisodes de Community et d'Arrested Development, qui pour moi sont deux des meilleures séries des années 2000/2010, en comédie je parle, en film, toi, moi et Dupri. Donc je sais pas ce que c'est, mais bon voilà, juste signaler. Ensuite, le scénario, c'est toujours Christopher Marcus et Steven McFeely. La musique, c'est Henry Jackman, donc ça a changé. Il a fait les musiques de Kick-Ass, Captain Phillips et X-Men Le Commencement, donc c'est de la qualité. Voilà, la date de sortie en France est sortie le 26 mars 2014 et aux États-Unis ça sortira le 4 avril 2014. Donc on est en avance par rapport aux États-Unis. Le casting, c'est toujours Chris Evans qui a joué entre-temps entre le premier Captain America et celui-là dans Avengers, qui joue ici toujours Steve Rogers et Captain America, enfin slash Captain America. On retrouve aussi Scarlett Johansson qui a joué dans Avengers, Lost in Translation, etc. Qui joue ici Natasha Romanoff, slash la veuve noire. Samuel L. Jackson, qui a joué dans Pulp Fiction, Jurassic Park, Avengers, etc. Qui joue ici Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D. Ensuite, Robert Redford. Donc, Robert Redford, je le présente pas, mais bon, Butch Cassidy et le Kid, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, etc. Qui joue ici Alexander Pierce, Sebastian Stan, qui joue ici toujours James Bucky Barnes, donc slash Bucky. Ensuite, Anthony Mackie, qui a joué dans Million Dollar Baby et Des Mineurs, et qui joue ici Sam Wilson. Je vais vous raconter le synopsis du film, et après on passe direct à mon avis. Donc, après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers, alias Captain America, vit tranquillement à Washington DC et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du SHIELD est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. Quand l'entendu du plan maléfique est révélé, Captain America et Black Widow sollicitent l'aide d'un nouvel allié. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et redoutable ennemi, le soldat de l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est le synopsis du film. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que j'ai pensé du film en lui-même. Donc la réalisation, ça a changé, comme je vous l'ai dit. Et au début, bah, quand j'ai regardé les premières minutes du film, je me suis dit « Ouh là là, c'est moins bon. C'est vraiment moins bon que le premier. Ça sent que c'est pas le même réalisateur. Ça se sent qu'ils viennent de la télévision aussi, les deux réalisateurs. Mais c'était juste au niveau de la première scène d'action, celle dans le bateau, si vous avez déjà vu le film, je vous en dis pas plus. » C'est juste que la caméra bouge énormément lors des scènes d'action et on voit que dalle. C'est vraiment pas lisible. C'est comparé à l'autre, au premier film qui était super lisible au niveau des scènes d'action, on comprenait tout ce qui se passait. Et ben là, ça bouge dans tous les sens. C'est shaky cam, comme on l'appelle, comme on dit aux États-Unis. Ça veut dire que ça bouge dans tous les sens tout le temps et on comprend que dalle. Et on sent que c'est pour faire un effet de style, mais c'est merdique parce que il gâche toutes les scènes d'action avec ce truc. Mais après cette scène dans le bateau, donc le film revient à une réalisation plus classique. Et même durant les autres scènes de combat, j'ai pas eu trop de mal avec la lisibilité des scènes d'action. C'est sûr que c'est pas du niveau de Joe Johnston, mais les deux réalisateurs sont démerdés pour arriver à un résultat assez correct. D'ailleurs, ils réaliseront le troisième Captain America. Donc voilà, j'espère qu'ils s'amélioreront encore plus en réalisation, mais celui-là est pas mal déjà. C'est juste que les 10 premières minutes sont assez... on aurait dit que c'est un autre réalisateur complètement qui a fait ça, c'était bizarre, mais après ça revient à quelque chose de normal durant le film, et c'est appréciable, parce que si ça avait été ça durant tout le film, ça aurait été très décevant, comme dans Thor, qui avait des mouvements de caméra pas agréables, et donc qui pour moi avait gâché tout le film, Thor 1 je parle, Et bah dans celui-là, ne vous fiez pas aux 10 premières minutes des scènes d'action. C'est, ça passe après, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour la réalisation qui est bonne, mais sans être aussi bonne et aussi exceptionnelle que celle du premier. Voilà. Les effets spéciaux, donc, les effets spéciaux numériques sont très bons. Les effets spéciaux, certains effets spéciaux en physique, donc réel, sont bons. Il y en a juste un que j'ai vu, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah merde, mais c'est vraiment mal fait. Je sais pas, on aurait dit que c'était un travail préparatoire, c'est pas possible. Donc c'était pour, alors je sais plus, c'était une acte, bon, je vous en dis pas plus parce que sinon ça va vous dévoiler un peu de l'intrigue. Donc c'est juste une actrice qui est jeune. Et qui doit jouer une personne vieille, et donc ils lui ont mis du maquillage, et le maquillage, ben, il est très très visible au niveau de ses yeux. Si vous regardez le film pendant cette séquence, regardez ses yeux et ses pommettes par rapport à l'ensemble de son visage qui sont beaucoup plus foncés par rapport au maquillage qui est beaucoup plus blanc. Et c'est très très visible, surtout sur grand écran. À mon avis, ça se verra pas autant sur un petit écran, mais sur grand écran, c'est très visible et ça fait directement, on voit directement que c'est du latex et c'est mal fait, quoi. Et c'est pas terrible. Donc ça, c'est un peu le seul problème que j'ai trouvé au niveau des effets spéciaux. Après, c'est beau. Bon, il y a peut-être quelques petits trucs au niveau des effets visuels numériques qui sont... Des fois, ça bave un peu, comme on peut dire ça, mais sinon, le reste est correct, quoi. C'est pas le plus beau film que j'ai vu, mais c'est dans la normale, quoi. C'est dans ce qui se fait d'habituel maintenant. Donc voilà. Et le montage, voilà, c'est du basique. Ensuite, le jeu des acteurs. Chris Evans, c'est très bon, mieux que dans le premier d'ailleurs. Scarlett Johansson, c'est toujours agréable d'avoir un personnage, une actrice qui joue un second rôle dans un film comme ça. C'est bien aussi d'avoir un rôle de femme forte, on va dire, dans un film de super-héros, parce que c'est souvent très masculin ce genre d'univers. Et là, c'est vraiment cool de voir. La veuve noire, être badass, comme on dit. Donc ça, c'est cool. Ensuite, au niveau des acteurs, encore, Robert Redford joue bien. Franchement, ouais, il joue bien, quoi. C'est un acteur qui a du talent et qui a de l'expérience. Donc voilà. Sébastien Stan, oui. Et Anthony Mackie, je vous dis pas vraiment qui c'est. Parce que c'est un spoiler et c'est... c'est un spoiler et donc je vous dis vraiment pas qui c'est, mais vous serez surpris et je parle ça tout de suite. Donc parler un peu plus de l'histoire du film, j'ai fini avec le jeu des acteurs. Donc l'histoire, c'est vraiment le scénario est vraiment bien. Il y a plein de rebondissements, plein de surprises auxquelles on s'attendait pas. Dont ce personnage qui est campé par Anthony Mackie. Donc les fans du comics savent déjà à mon avis qui ce sera, mais c'est assez, en plus il y a la moitié des sites dont Allociné et Wikipédia qui spoil ouvertement en disant qui est vraiment ce personnage. Et donc je trouve ça pas terrible, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous en dis pas plus parce que moi je suis gentil et je vous laisserai découvrir durant le film. Il y a vraiment de bons rebondissements, bonne surprise, un bon petit scénario avec c'est du classique, hein, c'est pas du Memento, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est agréable à suivre et on voit pas les peut-être deux, je crois qu'il dure 2 heures, quelque chose comme ça. Faudrait que je vérifie, mais bon, là, c'est un peu trop tard. Il est vraiment cool. On voit pas le temps passer. Et puis voilà, la musique est vraiment, alors par rapport au premier, elle était, dans le premier, elle était pas mal, mais alors ici, c'est vraiment nul, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. À un moment, une scène d'action, je me suis concentré un peu sur la musique. Je me suis dit, tiens, je vais un peu écouter la musique au lieu de regarder la scène. Enfin, écouter un peu plus attentivement. Et donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la merde. Mais vraiment, c'est vraiment pas terrible. C'était juste des boum, boum, boum. Comme ça, c'est vraiment tout le temps. Après, bon. Il y a peut-être des... Non, il n'y a vraiment pas de belle musique, quoi. Il y a quelques petits mots. La musique de fin, de générique de fin, est cool. Elle est épique et tout, il y a tout ce qu'il faut. Après, voilà, c'est la musique de film Marvel, hein, que voulez-vous, c'est pas du grand classique. Mais voilà, ça fait son boulot, bien que ce soit pas... vraiment pas terrible, surtout venant de quelqu'un qui a travaillé sur X-Men Commencement, Kick-Ass, des choses comme ça, c'est assez décevant. Voilà, donc j'ai fini avec ce film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma. C'est vraiment un film vraiment cool à voir au cinéma. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Ce film m'a tout donné durant ces 2 heures. Et franchement, j'ai pas regretté d'avoir payé ma place pour aller le voir. Il était vraiment cool et je vous le conseille vraiment si vous voulez voir un film ce mois-ci. C'est celui-là. Donc voilà, j'ai fini avec la critique, le film du mois, pardon. Et on passe tout de suite à l'abondance du mois. Voilà. You stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder. You shit-kicking, stinky horseman horse-smelling motherfucker, you. You're a fucking secretary. Fuck you. Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass. Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçus au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. Donc on est à la rubrique de la bande-annonce du mois. Ça a été assez difficile ce mois-ci de choisir la bande-annonce du mois, puisqu'il y en a eu beaucoup qui ont été révélées durant ce mois-ci. D'abord, je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé de quelques bandes annonces, et puis après, je vous parle de la bande annonce du mois, la vraie. Donc, je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller voir la bande annonce de The Red 2, qui est assez exceptionnelle. Je l'aurais choisi en bande annonce du mois s'il y avait eu des dialogues durant la bande annonce, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on entend, on voit que de la bagarre, donc c'est des coups de bagarre, des. Enfin, on entend que de la bagarre, quoi. Donc, c'est génial. Si vous êtes fan de films d'action, faut absolument aller voir le premier et surtout aller voir la bande-annonce du deuxième qui déchire. Et je suis trop impatient d'aller voir au cinéma. C'est vraiment un film que je suis hyper impatient de voir. C'est vraiment le premier m'a mis sur le cul et celui-là, risque de faire le même effet x10. Tellement la bande-annonce est exceptionnelle et ça a l'air d'être tout aussi violent et bien filmé et bien chorégraphié, etc. Je vous invite vraiment à aller voir cette bande-annonce. Donc ensuite, le coup de gueule bande-annonce, c'est sur Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. Le film a l'air cool. Je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce film, donc j'attends avant de juger. J'attends de voir avant de juger, mais ce qui me dérange dans la bande-annonce que j'ai vue, donc c'était juste avant Captain America 2, et c'était que il y avait du dubstep pendant que Spider-Man tissait sa toile ou défonçait la gueule à un de ses ennemis. C'est nul, quoi. J'ai pas d'autres mots, quoi. C'est du pendant toute la bande annonce, pendant qu'il défonce des mecs, voilà. Et ça veut rien dire, quoi. C'est vraiment de la merde. Et j'espère que c'est vraiment pas ça la musique du film, sinon ça va être encore pire que le premier, quoi, au niveau musique. Au niveau musique, le premier était déjà vraiment un exemple en tant que mauvaise bande originale. Mais alors là, c'est encore pire, quoi. Si c'est ça, voilà, il vaut mieux se boucher les oreilles pendant qu'il y a de la musique et écouter les dialogues, et voilà. Et enfin, se déboucher les oreilles quand il y a les dialogues, quoi. Donc, ça, c'était le petit coup de gueule. Et donc, ben, la bande-annonce du mois, c'est X-Men The Day of the Future Past, le prochain film de Bryan Singer qui avait fait déjà X-Men 1 et 2, qui sont pour moi des grands classiques du cinéma, tout court, parce que j'adore ces films. Je les ai vus 30 000 fois et je les veux les revoir 30 000 fois, parce qu'à chaque fois que je les vois, ils sont tellement exceptionnels. Donc voilà, j'adore ces films. Et ben celui-là a l'air d'être aussi exceptionnel, avec une histoire palpitante, aussi palpitante que le premier X-Men, le commencement, qui avait été réalisé par Matthew Vaughn, qui avait fait Kick-Ass 1. Mais celui-là est réalisé par Bryan Singer, donc celui qui a fait X-Men 1 et 2. Et donc, ben, ça a l'air de péter la classe, la photo déchire, la bande-son est exceptionnelle. Les acteurs, ben, on retrouve le vieux Charles Xavier, le vieux Magneto, et on retrouve ben, le jeune et les jeunes Magneto et Charles Xavier. Et ça a l'air exceptionnel, avec des histoires de voyage dans le temps, et on retrouve aussi Wolverine. Donc voilà, Wolverine, c'est mon personnage préféré, même s'ils l'ont massacré dans certains films. Voilà, je suis toujours aussi fan de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Et il a l'air juste exceptionnel, et je vous conseille vraiment d'aller voir la bande-annonce. Je vous passe l'extrait audio, et on se retrouve tout de suite après pour la Minute Nerd. Appréciez-le bien, et je vous en reparlerai, bien sûr, hein, quand il sort au cinéma, je crois, en mai. Donc voilà. À tout de suite. So many battles waged over the years. And yet, none of them like this. Are we destined to destroy each other? Or can we change who we are and unite? Is the future truly set? Mutants, we now find ourselves on the edge of extinction. You'll need to go into the past to end this war before it ever begins. Use your power. Bring the X-Men together. It's going to take the two of us. Side by side at a time when we couldn't be further apart. Things that mean the most to me. Maybe you should have fought harder for them. There is a new enemy out there. Mutants. You'll need a new weapon for this war. I know what I have to do. It's us or them. All those years wasted fighting each other, Charles. A lot of people die. Friends. We've been given a second chance. Guide us. Lead us. I don't want your future! We were supposed to protect them! Afraid. I remember. Ici, à Movies Nerd, nous sommes tous des cinéphiles, mais il se trouve que nous sommes aussi des nerds, et de ce fait, nous aimons tout ce qui a trait à cette culture, ce qui a mené à la création de la Minute Nerd, où pendant 5 à 10 minutes, nous ne parlons pas de cinéma, mais de séries télé, BD, livres, jeux vidéo et toute autre chose qui se rapporte à la culture geek. C'est parti pour la Minute Nerd. Et donc on est à la dernière rubrique de ce podcast déjà, mais c'est la Minute Nerd. Et donc, pas de Minute Nerd de Roxane ce mois-ci, mais la mienne qui est consacrée ce mois-ci à un comics. You wanna know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. "Why so serious?" He sticks the blade in my mouth. "Let's put a smile on that face." And why so serious? Le comics dont je vais vous parler ce mois-ci est The King Joke de Alan Moore, avec un scénario d'Alan Moore, le grand Alan Moore qui a scénarisé entre autres V pour Vendetta, Watchmen, etc., qui est un grand, grand scénariste que je respecte énormément et que beaucoup de monde respecte. Dessiné par Brian Boland qui, après ce comics donc qui est une short novel, c'est 48 pages seulement, le récit fait seulement 48 pages, mais quelles 48 pages. Donc Brian Boland ne dessinera plus que des couvertures après ça, ou alors des petites nouvelles de 4-5 pages, voilà. Donc, The Killing Joke est sorti en mars 88 aux États-Unis et l'année suivante en France. L'histoire tourne autour du combat psychologique entre Batman et son ennemi, le Joker. Celui-ci s'est échappé de l'asile d'Arkham et planifie de rendre le commissaire Gordon fou, tout cela pour prouver que le citoyen parfait peut devenir fou, après avoir eu une très mauvaise journée. Voilà. Donc ça, c'est le truc de base, l'histoire de base qui devient beaucoup plus compliquée et dark au fil de ces 48 pages. C'est une des meilleures histoires de Batman que j'ai eu à lire. Je l'ai acheté avant-hier et je l'ai lu d'une traite, tellement c'est bon. Bon, c'est 48 pages, mais bon, un comics, les comics, je les lis assez vite, et celui-là, bah, je crois qu'il m'a même pas pris une heure à lire, mais j'ai passé un temps assez exceptionnel avec ce bouquin. Déjà, les dessins sont d'une beauté absolue. C'est incroyable. Brian Boland, c'est vraiment quelqu'un qui est très très talentueux, qui est très soucieux du détail au niveau de ses dessins et de sa mise en scène, de la mise en scène de ses cases, etc. Et c'est vraiment super beau à voir, quoi. La couverture, alors déjà j'ai oublié de vous prévenir que ça a été réédité chez Urban Comics, qui est une boîte qui édite tous les DC depuis à peu près 2 ans maintenant, tout ce qui est DC Comics. Et donc là, ils ont réédité l'édition de Killing Joke en mars 2014, donc c'est tout nouveau. Et ça coûte 12€, donc jetez-vous dessus, c'est super. C'est vraiment dark. Alan Moore signe encore un scénario compliqué où, à mon avis, il faut le lire plus d'une fois pour tout comprendre, pour comprendre toute la complexité du scénario, qui est vraiment, il arrive à mettre en place quelque chose qui est resté dans les annales seulement en 48 pages, et c'est assez exceptionnel de voir ça. Et aujourd'hui encore, c'est une des histoires qui influence le plus la mythologie Batman. Et donc qui a été repris pas mal de fois dans les différents jeux Batman, dans les films, etc. La couverture du nouveau de la nouvelle édition est exceptionnelle. Vraiment, c'est en plus une édition qui a été refaite entièrement. Donc, c'est pas que 48 pages de comics et après on s'arrête. Il y a encore je vais ouvrir le bouquin parce que je me souviens plus du nom. Je cherche une introduction par Tim Sale, qui est un grand artiste de comics de nos jours, et une préface, une postface, pardon, par Brian Bolland lui-même. Et donc, c'est vraiment super. Ça nous montre, il y a encore après des super dessins préparatoires qu'il a fait, plus des couvertures de Batman. Il explique un peu les origines de ce travail qu'a été de Killing Joke. C'est vraiment très très sombre. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est des trucs vraiment assez hallucinants de voir ça dans un comics qui est censé être pour les jeunes, mais celui-là, il est vraiment pas à mettre toutes les mains. Entre toutes les mains. Il est très dark, très dark. Vous voyez que j'en dis pas plus sur l'histoire parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler et j'ai vraiment envie que vous découvriez ce comics qui a été entièrement. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'édition qui est sortie en 88 a été colorisée par un autre dessinateur qui n'était pas Brian Bolland. Et donc, Brian Bolland était mécontent du travail du coloriste. Il le remercie, mais il était mécontent parce que c'était pas sa vision pendant qu'il dessinait des couleurs qu'il voulait apporter. Et donc, cette édition, elle nous apporte une histoire complètement recolorisée par Brian Bolland lui-même. Et donc, c'est encore plus agréable à voir. Quand je vous dis que les dessins sont beaux. Regardez juste là, si vous tombez ça sur le comics en magasin, regardez juste la première la couverture et vous tombez amoureux avec ce comics parce qu'il est exceptionnel. Et je voulais parler de comics depuis longtemps. On parle souvent de films de comics, mais pas assez de comics en dur. Et ce bouquin, c'est pas la première fois que je le lis et ce sera pas la dernière fois que je le lirai parce qu'il est vraiment super. Et pour ce serait si vous avez 12 euros à utiliser, ce serait le meilleur investissement à faire ce mois-ci et dans les mois suivants, parce que celui-là, on le trouve pas comme ça facilement. J'avais déjà essayé de l'acheter, les anciennes éditions sont assez rares à trouver ou alors super chères, alors que là, 12 euros, et vous avez un grand classique avec des bonus en plus en fin de page. Et j'adore le travail qui a été fait sur ce comics. Je suis encore halluciné, rien que j'ouvre une page là au hasard et puis je vois des super beaux dessins, des trucs. Et puis en plus ça raconte un peu les origines du Joker, sans trop en dévoiler. Et alors il y a des scènes de flashback qui sont en noir et blanc et il y a que certains éléments qui sont colorisés. Ça donne encore plus d'ampleur à ce personnage du Joker. On rentre dans sa folie dans ce comics et c'est vraiment, ça vaut ces 12 euros et même si ça avait été 20 euros je l'aurais payé pour avoir cette belle édition. Donc je remercie beaucoup Urban Comics d'avoir fait ça et je sais pas s'ils écouteront, mais au moins je les remercie comme ça. Et on va passer tout de suite à la fin du podcast et courez à l'acheter. Dès que vous avez fini d'écouter le podcast, vous allez sur Amazon, vous allez dans votre boutique préférée et vous allez l'acheter absolument parce qu'il faut absolument, il faut lire ce classique. C'est à lire, absolument. Voilà, j'ai dit assez d'absolument durant cette minute heure, donc on passe tout de suite à la fin. Eh ben, c'est déjà la fin du podcast Movies Nerd numéro 7 du mois de mars. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux de m'entendre tout seul avec ma voix monotone, mais j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc, si vous voulez nous soutenir, en nous suivant sur Twitter. Alors, pour moi, c'est @TheLexal, Roxane @Rookinator et le blog /podcast @Movies_Nerd. Ensuite, la page Facebook, donc c'est la page Facebook Movies Nerd. Abonnez-vous et laissez des commentaires sur iTunes, c'est super important, c'est pour nous aider à nous faire voir à plus de gens qu'on existe et à faire écouter plus de gens le podcast, et donc on pourra avoir plus de visibilité. Voilà, j'ai un peu du mal avec cette fin mais voilà, donc vous pouvez toujours nous poser des questions sur Ask, sur Movies Nerd. Vous trouverez tous les liens bien sûr dans la description de l'épisode. Vous pourrez nous retrouver aussi sur Google+. Voilà. Pour nous poser des questions aussi, notre boîte mail qui est ouverte à vos suggestions et idées, moviesnerd@gmail.com. Je sais que le blog a pas été très actif ce mois-ci, puisque déjà j'ai eu ce voyage au Finlande, de plus après je suis en stage en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de revenir à l'écrit un peu avec quelques critiques que j'ai déjà en tête et que je pense faire durant le mois d'avril. Je pense au moins en faire deux. J'espère au moins quand vous écouterez le podcast du mois d'avril, je vous dirai, vous verrez si j'ai tenu le pari. Mais normalement, je devrais avoir écrit deux ou trois critiques. Allez, je suis positif, mais ça devrait faire normalement. Donc voilà. Merci toujours de nous écouter, de nous liker, ça me fait toujours plaisir de voir que des gens écoutent et apprécient le travail qu'on fait, puisque c'est le seul remerciement qu'on a, c'est de vous voir écouter le podcast, de vous voir l'apprécier et continuer à le suivre. Et donc ça me fait vraiment plaisir, et continuez, c'est tout ce que j'ai à dire, et commentez, donnez votre avis sur les critiques si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord avec moi, donnez votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire, je les lis avec attention, et la plupart du temps j'y réponds, même tout le temps, non, je réponds tout le temps aux commentaires, et ça me fait super plaisir quand vous laissez des commentaires, donc n'hésitez pas, voilà. Vous trouverez tous les liens indiqués bien sûr dans les commentaires de l'émission, dans les notes de l'émission, et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain podcast du mois d'avril, et d'ici là je vous dis allez au cinéma, allez voir des films, enfermez-vous dans les salles obscures, et au mois prochain, salut.